J'ai dû tenir bon. Ça ennuyait Guy de devoir partir alors qu'il faisait si beau. Mais il a fini par admettre qu'il devait, lui aussi, rentrer aujourd'hui. L'oncle André a été navré de nous voir partir. En ce moment, il doit penser à nous. Il doit dire « Les pauvres ». Maintenant, ils respirent l'air vicié de la ville, pendant que moi, je suis là, au grand air. Je devrais lui écrire aujourd'hui pour le remercier de son bon accueil. Mais je suis déjà reprise par toutes mes occupations. Je lui enverrai une lettre de remerciement demain. J'y pense. J'aurais dû l'inviter à venir nous voir. Je le ferai par lettre. Inutile de dire que Luc s'est plu à plein champ et que Paul s'est bien amusé avec le vieux vélo qu'il a trouvé. Moi, je me suis distraite comme j'ai pu. Plus j'y pense, plus je me rends compte que je ne suis pas faite pour vivre à la campagne. Je pourrais peut-être, au besoin, vivre dans une ville de province. Oh, et encore.